I'm faster than you. Let me climb, yeah, let me show you what I can do. I'm falling in love. Night to dawn, I'll make you laugh. Baby boo, I love you, love you. Avec Elia Arma, tu me manques sur Radio Arc-en-Ciel, ça fait du bien de commencer l'année tout en douceur 2023. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, 7h09, c'est Francky dans la radio, 7h12 en direct. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et il est levé de bonne heure, ça fait 2h qu'il doit être levé à mon avis, c'est Stéphane qui est avec nous au téléphone. Bonjour Stéphane. Bonjour Francky, bonne année à toi, bonne année à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Merci, comment il va bien ce matin? Bah, il est fatigué, mais il va bien. Ah, il a fait la fête le 23, le 31 plutôt, je suppose. Non, pas vraiment. Ah, pas de fête. C'était tranquille, mais j'ai eu droit à un feu d'artifice et un feu de poubelle, donc tranquille. Ah, bah ça va, c'est un patoche le 31 alors. Moi, ouais. Moi, c'est un patoche pour le feu de poubelle, on va dire, mais le feu d'artifice, ça va être sympa alors. Ah, ouais, c'était sympa, ouais. Puis il n'y en avait pas qu'un, il y en avait au moins deux ou trois, ouais, c'était sympa. Ouais. Bah c'est bon. Non, c'est quoi le programme, la prise du boulot peut-être aujourd'hui? Ah, bah depuis hier. Ah, depuis hier. Ah, bah il faut y aller, mon ami, attends un moment. Je suis installé sur mon chariot élévateur. Ah. Je pense le numéro 7, tiens, comme par hasard. Ah, c'est le 7, le chiffre, ça c'est le chiffre porte-bonheur, mon ami. Bah c'est pour ça que j'ai choisi. Et il finit à quelle heure? 17h30. Bon, ça va, c'est une belle journée, quoi. Hein, ouais. Ça c'est la reprise, hein. C'est dur de reprendre le taf comme ça après quand on a vécu quelques jours en repos. Honnêtement, ouais, c'est dur de reprendre. Ouais. Surtout le 2. Ouais, ça reprend, on reprend un lundi en bout de semaine, c'est long. Ah ouais. Ouais, ça aurait été un peu plus, on l'aurait repris un mardi. Un poil de plus, ouais, ça aurait été bien. Ça aurait été mieux, mais là, lundi, c'est trop compliqué. Ah ouais, on te comprend, mon ami. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, faut bien reprendre, hein, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, tu vois, là, je vais aller. Prendre un petit café tranquille. Ah, bah moi aussi, tu vois, je suis à la radio, je prends mon petit café. Hein. Et bah t'as bien raison. Seul au monde, mais je prends mon petit café. On est bien dans les studios, on est chauffé. Ouais, tu m'étonnes, toi t'es au chaud. Moi, on a un beau studio, on est bien. Ouais, frais, mais bon, c'est pas grave. Le froid conserve, comme on dit. Bon, bah, belle reprise, Stéphane. Belle journée à toi. Toi aussi, mon Francky, bon courage. Et bon café. Salut, Stéphane. Salut, Francky, à plus tard. Salut, ma poule. Vous aussi, vous pouvez m'appeler 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard, voici un peu encore. Des choses que l'on n'a pas, une famille, des amis, des habits ou un appart. On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit, mais parfois c'est la vie qui nous prive de voir. Bien sûr qu'on est chacun avec sa chance, mais certains trouveront la chance en chemin. C'est sous la pluie qu'on apprend le mieux à danser, on va plus haut quand on revient de loin. Ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on voit. C'est la même chose, je crois. Ce qu'on fuit, ce qu'on dit, nos combats. On est les mêmes, je crois. Hey. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur, on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on notre épaule. Quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. On voudrait tous ce qu'on n'a pas, cheveux longs, une maison ou une belle brune à son bras. Celui qui a tout peut toujours plus oublier d'être heureux, c'est jouer à la roulette russe. Sûr qu'on perd un peu notre innocence quand le destin nous frappe sans prévenir. Il suffirait de s'armer de patience pour voir enfin les beaux jours revenir. Quelquefois, quand on n'a plus de voix, il est peut-être temps de s'écouter. C'est alors que l'amour fait sa loi. Quelqu'un pour être à nos côtés. Hey. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Ce qu'on a, pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. C'est le retour, M. Pokora, viens, on s'aime, bien, on aime qui on est. On est bien là. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est nuageux ce matin. Pas de pluie prévu au programme, mais pas mal de nuages. Du soleil aussi, ça c'est la bonne nouvelle pour éclaircir notre amour. Normalement en toute cette belle après-midi, les températures au lever du jour, 5-6 degrés du côté d'Orléans, Saint-Privé, La Chapelle, Saint-Mamin ou encore Saint-Jean-de-Bray. On ne dépassera pas les 9, voire 11 degrés aujourd'hui sur Pithiviers, Gien et Orléans. Mais du soleil, ça va faire du bien un petit peu, ça va réchauffer nos cœurs. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. Il va vous le dire d'ailleurs. Bah oui, 02 38 43 48 00. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Desesperes, tem paciência. Não custa nada, não tem muita ciência. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor. Mãos para cima, mexe a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima. Comigo, dança comigo, mãos pra cima. est en direct ce matin, ça fait du bien ça pour se réveiller. George Guerrero sur Radio Arc-en-Ciel. Danza conmigo. Bon courage à vous si vous allez au taf ce matin. Et j'adore la génération Goldman qui arrive pour 2023 avec cette reprise de Encore un matin. Écoutez, c'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Cette belle reprise de Jean-Jacques Goldman, Génération Goldman, Francky sur Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h, c'est là que ça se passe. Bon dia à la planète, à la famille, il y a José qui est là dans le camion, ça y est, il est parti au taf ce matin, il y a Carlos aussi, salut Carlos, salut Emmanuel qui est connecté du côté d'Olivier, belle journée à toi Francky, merci à vous, voici un peu de Kizomba, l'un Daniel Santa Cruz et Lento. Llega el mismo sí.

ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Les mains serrées, si c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je n'oubliais pas impossible. Se faire un peu le cœur, pourquoi pas. Mais ma prière. Tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour. La vie toujours, toutes ces merveilles. Thank you. Ciel, on adore. Salam, bien, on a Caribou sur le radio ciel. Pierre Payet, belle journée, bon réveil, courage à vous si vous venez d'arriver. Christine qui est là, salut Christine, belle journée à toi. Elodie aussi du côté de la chapelle Saint-Mémin, bonne journée Elodie, courage pour la reprise. C'est la reprise aujourd'hui. Ah, Jessica, elle a fait fort Jessica. Hier, elle a amené sa fille à l'école hier, c'était du côté de Toulon. Il n'y avait pas école. Ah ouais, c'est dommage. Bonjour à Jessica qui est du côté de Toulon, qui nous écoute sur internet. Ça nous fait plaisir qu'on nous écoute sur le net. Francky dans la radio, 7h-9h, on est là en direct. Clic, clic, pompant. Là-dessus, vous avez fait la fête le 31. Bah oui, j'en suis sûr. Voici Yann's. Ta radio soleil dès 7h avec Francky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. All night.

rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée à vous, bon réveil, courage hein, pour le taf, pas facile la reprise. Coucou à Virginie qui nous écoute comme tous les matins, ça nous fait plaisir. Orléans, Stéphane aussi qui est là, salut mon poteau, Georges Guerrero, Arvida Obella. Belle journée, bon réveil. Hein. Ah ouais, c'est pas facile le 3 janvier, mais on est là avec un peu de douceur. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, shallow. J'adore sur un arc-en-ciel avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Belle journée, bon réveil, on est en direct ce matin. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ouais, ce réveil matin pour 2023, et puis c'est son anniversaire. Aujourd'hui, elle s'appelle Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ça va, la forme? Très bien, très bien. Alors, ça fait quoi de se réveiller, de fêter son anniversaire aujourd'hui? Ça fait un coup de vieux. Ça fait quel âge, son indiscrétion? 39. Ah, 39 ans, bah bon anniversaire alors. Merci beaucoup. Ça a prévu quoi aujourd'hui alors, de faire la fête ou alors de faire une petite soirée tranquille en famille? Oui, sûrement, ça va être ça. Ça va être ça. Bon, bah, ouais. on va préparer les cadeaux à la maison alors, peut-être. Bah j'espère. Bah j'espère aussi pour toi. tu pars au boulot là? Eh oui. Ouais, tu bosses dans quoi? Je suis caissière. Ah, caissière. Et où? À Leclerc. Ah bah j'allais dire, il y a eu une chanson comme ça il y a quelques années par un groupe, je sais plus comment il s'appelait, la caissière de Leclerc. Et bah voilà, en tout cas on te souhaite plein de belles choses parce que c'est vrai que c'est pas évident des fois t'as la caisse, hein. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Ils sont sympas les personnes qui font leurs courses là? On les supporte parfois. Ouais, ça va pas être facile tous les jours, hein, j'imagine. Non. Mais bon, faut être là, il en faut des caissières, hein. Bah oui, faut qu'on mange hein, quand même nous aussi. Hein. Et c'est ça. Et belle journée à toi Vanessa, puis très bon anniversaire pour tes 40 ans aujourd'hui. 39, ouais, t'as vu, je t'ai même vieilli, dis donc. Oh là là. Ouais, oui. Allez, bisous, belle journée. Bisous, à bientôt. Et belle journée sous le soleil. Merci. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Et on vous réveille tout en douceur avec Caméléon. ¿Por qué te vas? Ya no sé ni lo que siento por amarte. Cuando yo te quiero. Si, si, so va. Tu vois. Je ne sais plus comment faire pour vivre sans toi. Dime por qué te vas, nena. Se fue, no sé por qué se fue. El amor entre tú y yo, entre tú y yo. Tantas cosas quedan por hacer aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. Mi corazón. Todas esas noches haciendo el amor, gastando tu piel hasta el amanecer, buscando tu boca para decirte adiós. Oh. porque me vas. Ya no sé ni lo que siento por amarte. Si tu t'en vas, je ne sais plus comment faire pour vivre sans toi. Juste toi et moi, juste toi et moi, c'était comme ça. Si tu t'en vas, dis-moi si tu t'en vas. Et les jours se suivent et se ressemblent. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-Ciel. Tout sur pépé, chapeau de paille traficante. Le gérant crie à 7 sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil avec Aligante et Gambino. Salut Estelle qui est connectée du côté de la chapelle Saint-Mémin. Belle journée à toi mon Francky, ça me fait du bien de te retrouver ce matin. Bah ouais, la voix un peu en ouais, mais on est là, on a fait la fête sous le 31, normal. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, un petit peu de soleil aujourd'hui. On va faire un point météo juste avant. C'est Georges Guerrero. Urti pergunta in toda parte vou. Até no Instagram, no Face e no WhatsApp e nem resposta vou. Eu quero que venhas para junto de mim. Faz as malas, regressa, eu espero por ti. Preparei a surpresa e aquele jantar. Vem, quero te abraçar. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Sentado à lareira, eu lembro a vida inteira ao teu lado, amor. Não sei aonde estás, mas quero imaginar que estás aqui, amor. Caminha de volta, entra em casa sem bater na porta. Preparei a surpresa e aquele jantar. Vem, quero te abraçar. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. Prato de amor tens na minha mesa. Hoje se não vieres, vou jantar sozinho. Mais de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. On dirait que ce matin, jusqu'à 9h, on est là. C'est Francky dans la radio, sous le soleil. Justement, il y a du soleil aujourd'hui. On va faire un point météo. La météo. La météo pour aujourd'hui, eh bien le ciel est assez nuageux ce matin, mais le soleil devrait faire son apparition au cours de cette matinée. Les températures sont un petit peu fraîches ce matin, 4 à 5 degrés. On devrait quand même atteindre les 9 à 11 degrés du côté de la chapelle Saint-Privé, Georgiou. Ça va faire du bien et du soleil normalement, quasiment toute la journée avec du nuage aussi, quelques petits nuages. Regarde le site de Météo France en même temps, c'est pour ça. Pas de modification en tout cas, ciel ensoleillé, nuageux. Voilà, ça va être alterné. En tout cas, on vous souhaite une très très belle journée, un bon réveil, une bonne matinée, un bon petit déj sous la douche peut-être encore, avec du son, des souvenirs et puis des belles reprises. Elle s'appelle Émilie qui reprend Natacha Saint-Pierre, Je n'ai que mon âme, et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de ça, puisque ton cœur ne brûle plus comme notre. Et c'est Francky Arc-en-Ciel. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Comme Bonnie and Clyde, j'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Babe, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Babe, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici. Chocolat, chichi, chouchou. Non, ça c'est la plage, c'est l'été. Le matin, vous êtes quoi? Plutôt café, chocolat, thé. Eh ben, faites votre choix, allez-y, allez, la machine. Nous, moi, on y... je vais pas tarder à y aller. Émilie qui est là. Salut Émilie, belle journée à toi. Bah ouais, son anniversaire, bientôt. On va lui souhaiter en direct, ce sera le 14. En tout cas, lui souhaite une belle journée avec Lola, sur la route peut-être, 8h18 en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Et je viens d'apprendre le décès du batteur de Earth, Wind & Fire. Ouais, je suis triste là, il vient de nous quitter cette nuit. On lui fera un petit clin d'œil juste derrière avant le son de Roy Bandel là, sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. RNCL 7h-9h et il nous a quittés. C'était ce week-end et franchement je prends un coup là avec le chanteur de le batteur plutôt de du groupe Hot Fuel on Fire qui nous a quittés ce week-end. Il s'appelait Fred White, il avait 67 ans. On lui fait un petit clin d'œil ce matin, Fred. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-Ciel.

Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Estando con los tigueres a tu alta. Tengo todo y tengo la vaca. Suelta la mano, la mujer es guapa. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Figo, El Cata, El Chacal, il y a tout le monde là, réunis pour vous apporter plein de soleil ce matin. On est en direct 8h38 minutes. El Rayo del Sol, Anabella qui fête son anniversaire. Grandi aussi anniversaire. Happy birthday to you. Best life 2023, ça sera la best life. Bonne année sur Radio Arc-en-Ciel. C'est ma pinto. Moi je prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la NG, je volais jusqu'à l'NG. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à l'NG. Et la Zina, elle s'habille tout en Fendi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets.

7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appel le 02 38 43 48 00. On est en direct ce matin. Bonne année 2023. Si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Privé au Saint-Jean-de-Bray, côté météo, c'est pas terrible le ciel aujourd'hui. Jusqu'à 9 voire 10 degrés, mais le soleil normalement devrait faire son apparition tout au long de cette journée. Voici Grégoire et c'est quand sur un arc-en-ciel. Tu me dis, allez viens, on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur. La chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant, c'est le moment, dis-moi c'est quand? C'est quand? Quand, quand, quand, quand? C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence, ça s'unit, ça te rengaine. Cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances, c'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ, c'est quand qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir, c'est quand tu décides, c'est quand que tu oses, c'est quand on le sublime, nos deux corps enlacés sur des pétales de rose, c'est quand je puis y croire, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand notre histoire. C'est quand le conte de fées dont on parle dans les rêves. par la main et qui me dit allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Bah c'est tout de suite, hein. Il y a M. Laurenceau qui va arriver dans moins de 10 minutes. Bonne année à tous, hein, si vous voulez arriver du côté d'Orléans. Très très belle année 2023, plein de choses. Et la santé, c'est ce qu'on dit, hein, surtout, c'est important. Bah ouais, franchement, tal. Et on l'adore sur Radio Arc-en-Ciel. Bah c'est comme ça, le sens de la vie, il le faut aujourd'hui. M. Laurenceau qui arrive à 9h. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil. Et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Et je l'ai. C'est une évidence. C'est Francky dans la radio avec la belle Tal et j'adore. 8h55 minutes en direct ce matin, il arrive. Eh ouais, monsieur Laurent, il arrive. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Bon dia. Bon dia, Francky. Ça va, monsieur Laurenceau? Ça va bien, et toi? Bon, écoute, ça va. Ça a été les fêtes de 31. T'as fait un peu la fête avec les amis, la famille? Bah oui, j'ai fait la fête avec la famille, bah, parce que j'avais tout le monde à la maison, mais j'ai pas sorti. Et je viens passer mon réveillon. Et déjà, je vais dire à tout le monde, un bon réveillon à tous, une bonne année et beaucoup de santé surtout. Ah ouais, c'est super important la santé. Hein, ouais. Ouais. Et moi j'ai un pressentiment que plus je vais dans l'âge et plus je pense à la santé. Avant j'y pensais moins et maintenant on y pense un peu plus. Ah oui, parce que les choses commencent à apparaître. Et les machines commencent à rouiller. Hein. Ah oui, c'est sûr. Hein. Et on commence à être habitué. Avoir suivant notre santé. C'est ça. Bon, l'émission qui va démarrer dans quelques minutes avec plein de belles chansons Portugal. Ok. Voilà, avec toi. Merci M. Laurenceau, bonne année. Merci, vous aussi. À tout de suite. Monsieur Laurenceau qui arrive dans 3 minutes en direction de la Arc-en-Ciel et juste avant. Token Danza sur la Arc-en-Ciel et puis la pompe. Et puis Monsieur Laurenceau.